Le jeudi 23 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le président du réseau de transport de la capitale, M. Rémi Normand, se dit déçu de la fin du crédit d'impôt pour le transport en commun contenu dans le dernier budget fédéral, mais il ne craint pas un impact sur l'achalandage. C'est ce qu'a déclaré M. Normand ce matin alors qu'il annonçait de nouvelles améliorations au réseau de transport. Deux nouveaux parcours, dont un express, sont créés dans le sud de Beauport et dans le centre-ville. Le parcours 21 sera fusionné en juin prochain avec le parcours 11 pour créer un lien entre les secteurs du Vieux-Port et de la Pointe-de-Sainte-Foy. Le budget fédéral présenté hier contenait finalement peu de bonnes nouvelles pour le Québec. Pas un mot sur le service rapide par bus, ni sur le prolongement d'une ligne de métro à Montréal. Le ministre des Finances, Bill Morneau, prévoit bien investir 20 milliards de dollars dans le transport en commun, mais c'est à l'échelle du pays et sur une décennie. Le ministre québécois des Finances, Carlos Leitao, n'a pas caché sa déception. Les usagers du transport collectif se voient également couper le crédit d'impôt qui leur permettait de récupérer 15% du coût des laissez-passer. Attentat de Londres, maintenant l'identité de l'assaillant est désormais connue. Il s'agit de Khalid Massoud, 52 ans, un homme né donc dans le sud-est de l'Angleterre. L'homme a un lourd passé criminel. Il a déjà éveillé les soupçons des autorités pour une possible radicalisation, mais il ne faisait pas l'objet d'une enquête. Il a fait 3 morts et une quarantaine de blessés mercredi en lançant sa voiture dans une foule avant de poignarder un policier puis d'être abattu. Le groupe armé État islamique a revendiqué cet attentat plus tôt aujourd'hui. Chez nous, l'auteur d'un controversé article dans le magazine Maclean's démissionne. Andrew Potter quitte son poste de directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill, mais il va demeurer professeur. Il affirme qu'il en va de la crédibilité de l'Institut. L'Université McGill s'était rapidement désaffiliée des propos de l'auteur devant le tollé qu'ils ont suscité. L'article affirmait que le cafouillage de l'autoroute 13 était symptomatique de l'absence de solidarité dans la société québécoise, des propos aussitôt condamnés à l'unisson par la classe politique. Enfin, des citoyens de la Haute-Ville refusent d'accueillir la 3e édition du SPOT, la sympathique place ouverte à tous. Cherche à s'établir cet été dans le quartier Montcalm. Le centre Frédéric Bac est prêt à l'accueillir, mais des résidents s'y opposent, craignant pour la quiétude de leur quartier. Une pétition de 75 noms a été déposée mardi soir lors d'une réunion d'informations, pétition visant à s'opposer à cette place publique éphémère. Les étudiants en architecture de l'Université Laval étudient déjà un plan B. Ils pourraient décider de s'établir plutôt à l'îlot des Palais. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est généralement ensoleillé présentement à Québec. Il fera 6 degrés, moins 6 plutôt. Non, on est dans le négatif encore. Maximum moins 6 aujourd'hui. Demain, vendredi, quelques flocons de neige. Le mercure va grimper à 1 degré. Il fera 1 degré toute la fin de semaine également et ce sera sous le soleil samedi et dimanche. Présentement, le mercure affiche moins 8 degrés. C'est généralement ensoleillé.